show. Il n'y a pas d'affaire là. Éric Lapointe était très drôle. Mais toujours bien moins pire que l'autre, le masque. C'est qu'il a fait là. Remettez donc l'autre. Elle était plus drôle. Celle qui tapait avec ses pieds, là, Ariane Moffat. Ouais, mais en maternité / paternité ces temps-ci. OK. Il est à 8h32 à Radio X dans le show du matin. Je dois m'arrêter. C'est...